en présence des maîtres de cette faculté, de mes chers convives, et selon la tradition des démocrates, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à la maladie de Saxe, de Martin Vinclair. Adaptation, Pauline Timonier. À l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Respectueux et reconnaissant. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. Fidèle à mes promesses. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. Deuxième épisode. Mercredi 12 septembre, déjeuner, consultation à domicile. Oui, docteur. Je vous passe la ligne, je rentre chez moi. Attendez, je prends mon cahier. Voyons, j'ai déjà noté une personne à 17h et une autre à 17h20. J'ai aussi donné un rendez-vous à 17h40, monsieur Rocher. Monsieur Rocher. Je trie le courrier. C'est noté. Il y a des revues, beaucoup de revues, chaque jour des revues. De grandes enveloppes portant des sigles officiels, Agence régionale du médicament, ministère de la Santé, conseil régional, médiathèque de Tourmence, des catalogues de mobilier, de matériel médical, de papeterie, de lingerie pour dames, de jouets, de cadeaux d'entreprise et autres gadgets. Il y a aussi bien sûr les prospectus que tout le monde trouve dans sa boîte aux lettres. Enfin, il y a le vrai courrier, enveloppe blanche ou Kraft, en tête d'un médecin ou d'un service hospitalier, et parfois une ou deux lettres dont l'adresse est rédigée d'une main malhabile et qui, au toucher, doivent contenir une enveloppe réponse timbrée. Avant de déposer le courrier sur ton bureau, je vérifie toujours qu'il n'y a pas de lettre adressée à l'un de tes confrères du secteur. D'un docteur à l'autre, il arrive que les postiers se trompent le matin en faisant le tri. Allô, Edmond. C'est toi, Edmond? Ah non, madame, vous êtes au cabinet médical de Plaie. Vous avez dû faire un... Allô? Ah, c'est le docteur. Ça va-t-il? Ça va, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on lui sert? Eh ben, je sais pas. Des côtelettes d'agneau. Tu en mets combien? Trois. Allez, trois côtelettes, c'est parti. Beaucoup de malades en ce moment? Ça va. Ah, moi j'arrête pas. Vivement les vacances. Hein. C'est bientôt? Bah, pas avant le mois prochain. C'est la saison creuse. Cela dit, avec les petits, c'est pas très facile d'aller quelque part. Ils vont bien? Impeccable. Mais quel boulot. Heureusement que ma femme a pris son congé d'un an. Autrement, je ne sais pas comment elle aurait fait. Forcément, des triplés. Eh ben, ça fait 19,50. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Didier. Justement, je voulais vous appeler. Les bébés ont un rappel de vaccin. Fallait le faire au mois d'août. C'est pas trop tard? Non, on n'est pas 15 jours près. Je vais vous les prescrire. Quand vous les aurez, appelez-moi, je passerai un soir en rentrant. Oh, ça vous fait rien de leur faire ça samedi midi? Non, parce que s'ils me font de la fièvre, le dimanche c'est plus calme et lundi on est fermé. Comme vous voudrez. Je vais chercher les ordonnances dans ma voiture. Oh, merci. Je n'étais qu'en première ou deuxième année. La grand-mère d'une de mes amies m'a raconté sa vie d'exilée entre la mer Noire et l'Atlantique. Elle m'a fait promettre que si un jour elle était paralysée, je lui donnerais ce qu'il faut pour mourir. J'ai promis. Quand elle est morte, elle était hospitalisée dans un centre spécialisé. Elle avait la maladie d'Alzheimer ou une démence du même genre. Elle n'était pas en mesure de demander qu'on la tue. Un de mes premiers patrons de stage, médecin légiste, nous a proposé à deux autres externes et à moi d'assister à l'autopsie qu'il allait pratiquer. Le corps était celui d'une femme tuée par son compagnon de deux décharges de chevrotine, l'une à l'abdomen, l'autre à la tempe. Dans l'ascenseur, en remontant de la morgue, il nous a expliqué que son assistant, qui avait devant nous scalpé puis découpé la boîte crânienne avec une petite scie circulaire électrique, et que nous avions vu peser le foie, le cœur et les différents organes dans une balance de boucher à mesure que le médecin légiste les extrayait du cadavre, cet assistant, donc, avait été quelques années auparavant l'amant de cette femme. Ce même patron, qui s'occupait d'un service de ce qu'on appelait alors des grabataires, aujourd'hui on dirait des personnes en fin de vie, avait décidé de nous montrer comment faire une dénudation veineuse sur un vieil homme dans un coma profond. Ça consistait à disséquer une grosse veine d'un pied pour y faire passer une perfusion. J'ai demandé pourquoi il le faisait, puisque le patient n'en avait pas besoin. Il était parfaitement perfusé, ses bras avaient de très belles veines. Il nous a répondu qu'il le faisait à titre pédagogique. Bonjour docteur, comment va ? Bonjour monsieur Roubaud, ça va ? Beaucoup de malades en ce moment ? Ça dépend des jours. Vous n'auriez pas le journal des lettres par hasard ? Non, j'ai pas ça. C'est un hebdo ? Un mensuel. Je peux vous le commander si vous voulez ? Non, c'est pas la peine, je vous remercie. Est-ce que je peux essayer les stylos avant d'en acheter ? Oui, bien sûr. Attendez. Tenez. Merci. Celui-ci n'est pas très fin. Vous aimez les pointes fines, je crois. Non, plutôt les moyennes. Les fines, c'est fragile. Je comprends ça. Un docteur, ça écrit beaucoup, des ordonnances, des certificats. Bon, je vais prendre ces six-là. Et je vous prends cette cassette aussi. Tiens, vous avez un magnétoscope, docteur ? Je viens d'acheter 300 cassettes. Rien que des bons films intéressants qui devraient vous plaire. Ouais. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai pas eu le temps de tout voir, forcément. Mais le représentant m'a dit que c'était un bon film. Et si je peux me permettre de vous faire une petite suggestion ? Je vous en prie, docteur. Et ces cassettes-là, il serait peut-être préférable de les placer plus loin du regard des enfants, vous ne croyez pas ? Ah oui, bien sûr, vous avez raison. J'ai fait ça tellement vite hier au soir, je n'y ai pas pensé. Et puis je manque de place. Mais je vais arranger ça. Merci du conseil. Sachs, j'écoute. Docteur, c'est Madame Destouches. Pourriez-vous venir chez moi cet après-midi ? Bien sûr. Que vous arrive-t-il ? Oh, eh bien, j'ai encore des médicaments, mais il y aurait mes ulcères à voir. Mm-hmm. Et puis j'aurais voulu que vous auscultiez Georges. Son moignon lui fait mal en ce moment, je le vois bien. Je lui donne un de mes comprimés pour la douleur, mais il ne veut pas en prendre. Ça l'énerve. Et vous savez comment il est quand il est énervé. Il n'y a plus à le tenir. Je comprends. Je viendrai entre 4 et 5 avant mes consultations. Merci, docteur. Je vous attends. Pendant toutes mes études, j'ai donné du sang. Les membres du service de transfusion sanguine s'installaient une fois par an dans les couloirs attenant à la cafétéria de la faculté. Ils ouvraient les cloisons mobiles et mettaient sur les tables des prospectus ainsi que les sandwichs et jus de fruits offerts aux donneurs. Il ne restait qu'une journée, mais aucun étudiant ne pouvait passer sans les voir. Un jour, j'ai demandé à une des infirmières qui prélevait s'il passait comme ça dans toutes les facs. Elle m'a répondu que oui, en ajoutant que les étudiants en médecine et en pharmacie étaient ceux qui donnaient le moins. Au cours de ma première semaine d'installation, j'ai entendu un homme me raconter sa vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que pendant toute son enfance, sa mère l'avait appelé « ma petite crotte » et qu'à partir de l'adolescence, son père n'a pas cessé de lui dire « t'es qu'une merde ». Allô ? Madame Leblanc ? Oui, docteur. Quel est le programme ? Bien, il y a le petit Romain Bologne. Sa maman ne l'a pas mis au centre aéré ce matin parce que ça n'allait pas. Pour l'instant, il est chez sa nourrice, Madame Duhamel, à la Marinière. La Marinière ? C'est où, ça, encore ? Vous y êtes déjà allé, c'est sur la route de Tourmence, à 2 kilomètres de la sortie de Plaie. Il y a un bois et un chemin qui part sur la gauche. Vous voyez ? Non. Enfin, je trouverai. Je le vois sur la carte. C'est juste après les Bordes, la maison de la vieille Madame Rosten. Vous voyez ? Ouais. C'est urgent ? Non. Enfin, la nourrice n'a rien dit. Je crois qu'il a de la fièvre et surtout un gros rhume. Bon, il faut d'abord que j'aille voir Madame Destouches et son fils. Vous voulez que je vous prépare les dossiers ? Non, je les remplirai à mon retour. Quelle heure est-il ? Presque 15h50. Je serai de retour au cabinet vers 5h moins le quart. À tout à l'heure. À tout à l'heure, docteur. Le premier texte que j'ai publié, c'était dans Médecine Utopique, une revue de médecins militants. C'était un pamphlet qui exhortait les médecins à profiter des visites de sport pour examiner les hommes complètement. À l'époque, je savais pertinemment que les médecins n'hésitaient jamais à examiner les seins des femmes, mais regardaient rarement ce qui se passait dans le slip des hommes. Or, écrivais-je doctement, il y avait là-dessous des organes à examiner, à soigner, mais aussi des choses à expliquer et des inquiétudes à apaiser. Le cancer du testicule, bien sûr, mais plus souvent l'hypospade, les bourses vides, le phimosis, les bourses qui gonflent, les kystes du cordon, les torsions du testicule ou des hydatides, les végétations vénériennes, l'herpès, les douleurs imprécises, les poils qui blanchissent, est-ce que c'est normal à mon âge, les échauffements du gland ou des plis, les décolorations de la peau, la baisse de sensibilité du nœud au bout de quelques mois chez un type de 25 ans qu'on a circoncis pour je ne sais quelle raison. En relisant cette liste, il y a quelques jours, je me suis dit « Mais qui peut avoir envie de rechercher tout ça ?» Entrez ! Oh, laissez donc ouvert, docteur ! Il fait beau, ça nous fera de l'air. Bonjour Madame Destouches, bonjour Georges. Ouais. Dis bonjour au docteur Georges. Bonjour docteur. Georges retire son mégot de la bouche et te tend la main sans te regarder. Tu poses comme de coutume ta sacoche sur la table de la cuisine. Tu tires le tabouret, tu t'assieds. Tu me regardes par-dessus tes lunettes rondes. Comme tu es toujours voûté, tu me regardes souvent par-dessus. Tu as les cheveux un peu trop longs. Ton visage est gris de barbe, même lorsque tu viens de te raser. Tu as souvent un sourire en coin, mais pas aujourd'hui. Tu portes une veste de cuir usagée. Tes poches ont toujours l'air pleines à craquer. Tu es toujours gentil avec moi, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Il est vrai que je te dois la vie. Vous savez, docteur, je ne sais pas où je serais si vous ne m'aviez pas sauvé. Oui, enfin, c'est plutôt le chirurgien qui vous a sauvé. Oui, le docteur Lance aussi, je lui dois beaucoup. Mais enfin, c'est vous qui m'avez envoyé dans son service. C'était la seule chose à faire et n'importe quel médecin l'aurait fait. Vous étiez en occlusion, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Et pourtant, je ne voulais pas y aller à l'hôpital, vous vous souvenez? J'avais tellement peur d'y mourir à mon âge. Et vous m'y avez envoyé quand même. Oui, mais vous êtes encore là et j'en suis bien content. Et moi donc? Et comment vont vos jambes? Ouf, c'est toujours pareil. L'ulcère de gauche ne bouge pas. Il est propre, m'a dit l'infirmière. Mais celui de droite se creuse de plus en plus. Il aurait fallu remettre du produit que vous aviez ordonné il y a quelques mois. Ça l'avait bien refermé. Mais ça n'est pas remboursé. C'est trop cher pour moi. Et puis il y a si longtemps que ça dure, ces ulcères, pensez. Même la greffe qu'on m'a faite dessus n'a pas tenu. J'ai de trop mauvaises artères. Je savais bien que ça ne tiendrait pas. Enfin, j'aurais été tranquille quelque temps. 6 mois? Oh, grandement, grandement. Georges, oui. Veux-tu aller me chercher ma boîte dans l'armoire, que le docteur voit ce qui me reste comme pansement? Oui. Il boit beaucoup en ce moment. Madame Barbet n'arrête pas de retrouver des bouteilles vides dans la pantie quand elle va vider la poubelle le matin. Quand il a mal à son moignon, ça le travaille. Ça lui porte sur le système. Et il boit encore plus. Et que prend-il pour la douleur? Je lui donne un demi-dolivite quand il est trop énervé. Mais parfois, j'ai peur que ça se contrarie. Georges entre, une corbeille en plastique à la main. Il la dépose sans un mot sur la table. Alors, je compte les boîtes de compresses, les rouleaux de sparadrap, les étuis de tulle gras et les tubes de vaseline. Tu sors de ta sacoche un bloc d'ordonnance. Georges n'est pas retourné se poster à la fenêtre. Il s'est adossé à la porte d'entrée juste à ta gauche. Tu lèves les yeux vers lui. J'ai honte de le regarder. Il est sale. Il n'est pas rasé. Quand il a mal comme ça, il dort tout habillé parce qu'il n'a pas la force de se changer. Et aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine. Et vous, Georges, comment allez-vous? Moi, docteur, bah, ça va, ça va. Votre maman me dit que votre bras vous fait mal en ce moment? Ouais, c'est sûr, il me fait mal, mais bon, ça va être le temps, je pense. Allons dans la chambre, je vais vous examiner. Faudrait m'examiner, je vais m'examiner. Quand j'étais enfant, je croyais dur comme fer que toutes les catastrophes que j'imaginais, la mort de mon père dans un accident de voiture par exemple, avaient d'autant moins de probabilité de se produire que je les imaginais dans les moindres détails. Les vraies catastrophes, celles qui se produiraient, seraient celles que je n'aurais pas prévues. Une année en fac, j'ai corrigé les coquilles d'un traité de médecine coordonné par un de mes profs. J'ai tout relu, d'un bout à l'autre, pendant des semaines, nuit et jour, sauf pendant les stages. La description de toutes les maladies répertoriées m'est passée devant les yeux, et j'ai imaginé que si je connaissais les symptômes de toutes les affections mortelles, et si je me les repassais dans la tête régulièrement, ça m'immuniserait contre elles. Bien plus tard, j'ai compris que les maladies des traités ne sont elles-mêmes que le produit d'une systématique arbitraire. Dans la réalité, on ne meurt pas comme dans les livres de médecine. Je suis le docteur Sachs. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Rentrez. Bonjour, Romain. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bonhomme? Il s'est plaint d'avoir mal au ventre. Alors, sa maman me l'a laissé parce qu'il fallait qu'elle retourne à son travail. Il avait de la fièvre? Je sais pas, je ne lui ai pas prise. Je ne crois pas. Eh ben, on va voir ça. Voulez-vous que je le déshabille? Enlevez-lui juste la robe de chambre. Bien, voyons les tympans. On regarde tes oreilles, petit lapin. On regarde de l'autre côté. On regarde la bouche à présent. Vous voulez une cuillère? Non, merci, je n'utilise jamais de cuillère. Tu vas ouvrir la bouche pour que je la regarde, mais je ne mettrai rien dedans. Tu veux bien? Alors, là, je vois ta langue, mais je ne vois pas tes dents. On va regarder ton ventre. Tu t'allonges sur le canapé? Montre-moi où tu avais mal tout à l'heure. Là. Est-ce que tu as mal en ce moment? Est-ce que tu as faim? Oui. Il n'a pas goûté? Ah non. Et il n'a pas mangé ce midi non plus. Bon, je crois que vous allez pouvoir lui donner un petit quelque chose. Un choco? Une banane. Une banane? C'est un peu lourd. Il n'a pas vomi et je pense que tout s'est déjà arrangé, alors on peut lui donner ce dont il a envie. D'après vous, qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas l'appendicite. C'est justement de ça que sa mère avait peur. Faut dire qu'elle s'inquiète facilement. Moi, je trouve qu'il se porte plutôt bien, cet enfant. Mon deuxième, à son âge, il me faisait otite sur otite, alors que Romain, c'est bien rare s'il a quelque chose. Mais dites, docteur, oui. S'il recommençait à se plaindre du ventre. Je vais vous marquer un sirop calmant, mais ça m'étonnerait qu'il en ait besoin. Je peux aller chercher ma banane? Oui, va la chercher. Au revoir. Au revoir. Au revoir, docteur. Je traverse la cour. Une bicyclette noire, équipée à l'avant d'un grand panier d'osier, est rangée à l'ombre, tout près de l'entrée. Je m'essuie les pieds. Je sonne. Je pousse la porte de la salle d'attente. Je passe la tête. Bonjour, Madame Leblanc. Bonjour. Le docteur consulte en ce moment? Ah non, à cette heure-ci, il est en visite. Oh, je savais pas. Je suis jamais venue pour moi. Je vais vous donner les horaires. Tenez. Merci. Le mercredi, le docteur reçoit sur rendez-vous à partir de 17h. Ce soir, malheureusement, il a déjà beaucoup de travail. C'est urgent? Non. C'est-à-dire, je dois venir le voir depuis longtemps et je remets toujours. Oui. Ce soir, il a beaucoup, beaucoup de travail. À moins que... pourra peut-être vous prendre entre deux. Je peux lui demander. Non, ça ne fait rien. Je ne veux pas l'embêter. Je reviendrai une autre fois. Oh, je peux garder le papier? Bien sûr, il est fait pour ça. Vous voulez un rendez-vous pour vendredi? Non, merci, je reviendrai. D'accord. Au revoir. Au revoir. Pour une fois que je me décide à aller voir le médecin, c'est bien ma veine. Un camion freine dans la rue. Un homme en uniforme gris en descend, tenant à bout de bras une housse. Il entre et me salue, me tend la housse et une enveloppe contenant la facture mensuelle. Je lui rends un sac plein de blouses à laver. Il me salue et sort. Tu n'as pas toujours mis une blouse. Pendant les deux ou trois premières années, tu recevais en pull, ou même en chemise, et tu retroussais tes manches. Et puis un jour, après avoir recousu un blessé, tu m'as appelé en te confondant en excuses. Il était midi et demi ou une heure. Il fallait que tu repartes te changer et faire une visite. Est-ce que ça ne m'ennuyait pas de venir un peu plus tôt pour nettoyer? Il y avait du sang partout. Depuis, tu mets de vraies blouses, presque tout le temps. Quand tu entres dans le cabinet, tu poses tes affaires et tu en enfiles une propre, même si ce n'est pas l'heure des consultations. Au début, je me suis demandé ce que les patients diraient. Depuis ton installation, tu consultais en bras de chemise, comme tous tes confrères. Les enfants, bien sûr, n'aiment pas trop les hommes en blouse blanche, surtout quand ils ont de mauvais souvenirs d'un passage à l'hôpital. Quand ils ne te connaissent pas, ils tordent un peu du nez en te voyant. Mais les adultes, eux, n'ont rien dit. Cabinet médical de Plaie, j'écoute. Allô, Edmond? C'est toi, Edmond? Ah non, madame, vous êtes au cabinet médical de Plaie. Vous avez... Bonjour, docteur. Bonjour. Tenez, le carnet des rendez-vous. Alors... Faut pas m'en mettre deux à la même heure. Je sais, docteur, mais pour cette dame-ci, c'était urgent. Je vous ai mis son téléphone, si vous voulez la rappeler. D'accord, vous avez bien fait. Et puis ce monsieur a déjà appelé deux fois pour les résultats de ses examens. Le facteur est passé tard, j'ai mis le courrier sur votre bureau. Ah. Il est inquiet, ce monsieur. Et puis madame Renard a appelé, elle a pris des gélules vertes. Et elles lui font du bien. Elle a dit que ça lui faisait du bien, vous êtes sûr? Oui. Ah, oh, mais alors avec un peu de chance, on va peut-être passer au-dessous des deux consultations hebdomadaires. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt 80 ans et je... C'était La maladie de Saxe de Martin Winkler. Adaptation Pauline Timonier. Deuxième épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et Flora Brunier. Marie Daude. Niki Marbeau. Catherine Tartarin. Miglène Mirtchev. Christelle Reboul, Nita Klein, Alexandre Aubry, Sophie Gubry, Agathe Le Bourdonnec, Clotilde Morgiev. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Parce que j'ai 70 ans passé. Équipe de réalisation, Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche. Je commence à m'inquiéter.